Bonjour. Direct 21 janvier 2023. Donc, bon, je vais attendre que les gens arrivent. Donc, ça ne devrait pas être trop long. On dirait que j'ai des troubles de connexion encore. Bon, c'est réglé. Par rapport aux deux petites vidéos d'hier. Bon, on va être clair avec ça. Bon. Ah, bonjour, Jean. Ah, bon, bonjour, Benny Nero, il y a déjà des gens. Donc, bon. Bonjour, Lou. Bon, on va être clair. Bon, l'affaire, le double. La fabrication du double. Bon matin, Bob. Ceux qui ont parlé de ça, bon. Il n'y a rien en tant qu'ego psychologique que vous pouvez faire pour accélérer ça. Puis, il n'y a pas de formation, il n'y a pas rien, là. Il n'y a rien qui peut accélérer ça. Ça ne vient pas d'une décision psychologique de l'ego, des affaires de même. Donc, c'est des choses qu'on ne s'occupe pas de ça. Ça ne donne rien à un ego de s'occuper de ça. Parce que c'est pas de même, ça marche, c'est tout. Puis bon, s'il y en a qui veulent vous vendre des affaires pour accélérer ça, ben ça va peut-être marcher au sens que bon, ça va créer de la déception peut-être, puis bon. Ou bon, d'un autre côté, si ça marche, là, entre guillemets, là, je serais plus inquiet. Ça serait de gratter comment ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que ça fonctionne? Dans le sens que c'est peut-être pas le double. C'est peut-être d'autres choses. Donc, bon, je veux dire, ça avait été clair, ça, c'est des affaires toutes claires. Mais bon, il y en a, ils veulent accélérer ça. Vous pouvez pas. C'est pas de même que ça marche. Point. Donc, bonjour Jean-François, moment présent. Dominique, bonjour, bon matin. Donc, est-ce qu'il y avait des choses? Est-ce qu'il y a des choses? Je n'ai pas envie de parler de tout, dans le fond, là. Mais l'affaire de vendre des. Bon. Comme, qu'est-ce que ça vient faire? Oui, Ménard, je pense que Ménard, il s'était servi du tarot. Mais là, c'est un support. Tout simplement. Un support qui est bon. Que je peux comprendre, ça peut servir à l'observation. Mais là, c'est rendu d'autres choses. C'est des supports. Puis bon, au niveau d'un contact, le meilleur support, c'est juste ça, là. Vous avez juste besoin, vous avez une tête, là, vous avez un entendement. Pas besoin d'autres supports que ça, là. Donc, bon, il y a des affaires, je regarde ça, puis. Ouais. Moi, je le vois comme un commerce. Je vois ça comme de la spiritualité. Je suis désolé, là. Et vivre sans support est le plus difficile. Ben oui, surtout que la vie, c'est bon. C'est des supports. Hein. Je suis OK avec toi, car ça fait 2 soins et après, j'étais mal. Ah oui, vous êtes bon. Les soins énergétiques. Ben oui, mais là, dans le fond, là, ça devient un petit peu dangereux. Moi, je considère ça comme dangereux. Puis bon, des affaires en groupe en plus. Il y en a, on me rapporte là, des affaires, c'est des en groupe. Attention, là. Attention. Bon, beaucoup ben, donc. Le monde, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est leur expérience. Hein. Moi, dans le fond, j'ai compris la leçon. Ben, à un moment donné. C'est parce que là, c'est les énergies de plein de monde. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est un petit peu à l'aveugle. C'est pour ça que, bon, non, non, il y a de quoi qui ne marche pas avec ça, là. Puis, bon, en plus, qu'il faut payer pour. Ça, j'ai encore plus de la misère. Si vous payez à un plâtrier pour faire du plâtre, là, tirer des joints ou, je ne sais pas, moi, un jardinier qui passe la pelouse, au moins, vous avez des garanties. Dans le sens que, au moins, vous allez pouvoir vérifier que pourquoi vous êtes. T'sais, vous voyez là ce que je veux dire? La ligne est mince, est mince, est mince là, avec l'arnaque. Je suis désolé de dire ça, là, mais la ligne est mince. Pas mal. Puis, ben, ça ressemble un peu comme d'autres, là. Les ateliers pour avoir des contacts avec des guides, là. Non, non, non, non. Du monde qui font payer pour des affaires de même, là. Plein de valeur, là. C'est comme une gang de pentecôtistes là, qui vous ferait payer pour avoir le contact avec le Saint-Esprit. C'est, dans le fond, c'est comme si l'Église catholique vous vendait un sacrement qui va densifier l'ange gardien. Je dirais c'est des simonies, voyons. En tout cas, ce qui me dérange, c'est de me faire fourrer par mon hypersensibilité à des moments clés dans ma vie. Ouais, ben c'est quand que c'est dans des moments clés, justement, que c'est le temps, là. C'est là que c'est le temps. C'est quand ça va mal que c'est le temps. Puis bon. Bonjour Valérie, Annick. Il y a des années, j'avais participé à une bande de canalisation et la personne canalisait des anges et sa voix faisait peur quand elle canalisait rien de lumineux là-dedans. Ouais, ben le but, c'est d'impressionner, je pense. Ben oui, là, les anges, bon, il y en avait une qui avait passé à l'arbitre. Puis, vous connaissez, là, Anne-France Goldwater avait demandé, en quelle langue s'exprimait l'ange? C'était-tu en hébreu? Ah, c'était pas en hébreu, ah, c'était pas vrai. Bon, elle, c'est là-dessus qu'elle se basait. Ben là, c'est une Ashkenaz d'Outremont, là. Fait que bon. Mais il reste que... ouais. Je fais attention un petit peu, là, mais il reste que, bon, admettons là, qu'on me poursuivrait pour diffamation. Ben, c'est à la personne d'aller démontrer en cours que c'est pas de l'arnaque. C'est de même que ça fonctionne, la justice. Mais là, comment voulez-vous démontrer ça? Il y a du monde qui paye pour du vent. C'est ça, moi, qui m'écœure. Parce qu'au niveau des applications pratiques, puis pour avoir jasé avec des séminaristes, entre autres, de Ménard, qui ont été coachés, il y avait des réelles affaires. Là. Il y avait du stock substantiel. C'était pas des jokes. Là. À un moment donné, là. C'est quand il y a de la souffrance que c'est le temps d'observer la situation. Mais la situation observable n'a pas une manière de la gérer intelligemment. Moins. Ah, bonjour Hélène. C'est dans des moments de nos vies fragiles, en plus, que nous nous faisons avoir après tout ça. C'est triste. Ben, c'est tout le temps de même. Dans le sens que, ben, c'est un peu comme quelqu'un qui vendrait des boutons panique pour les personnes âgées. Ils vont faire miroiter des peurs. Bon, le but, c'est de vendre quelque chose. Il faut créer une demande. Puis, c'est quand il y a une possibilité de créer une demande, ben c'est quand ça va pas bien. C'est quand ça va pas bien. Le pire, c'est que c'est les moments dans votre vie que ça va mal. Que c'est le temps là, d'observer. Puis c'est le temps, là, c'est là qu'il y a une possibilité d'intégrer quelque chose. Puis ça se fera pas avec des ateliers. Puis ça se fera pas avec des consultations. Ça va se faire, ça, c'est vous-même avec vous-même en vous-même. Face à vous-même. Avec ce qui vous arrive, puis dans l'observation de ce qui vous arrive. À un moment donné, il peut se créer un autre vous, si on peut dire, qui est plus objectif, puis qui va voir le vous qui subit. Donc, bon, ce genre de dédoublement-là, si on peut dire, c'est des chocs qui engendrent ça. Puis faire des formations, ça ne peut pas déclencher ça, là. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, là, puis... Faire bien attention, dès que vous voulez avoir des facultés, acquérir des facultés, des pouvoirs, c'est tout à fait de la compensation. Tout le temps. Donc, c'est mieux de développer ce qui va engendrer un besoin de compensation que de compenser. Je sais pas, en tout cas, quand tu souffres, que tu sais réellement que tu te fais manipuler par l'extérieur et l'intérieur. Il faut juste en être conscient en agissant moins dans l'émotivité. C'est que il n'y a rien d'autre que ah bon matin, valeureuse, il n'y a rien d'autre que moins sans l'émotivité. Il n'y a rien d'autre que l'observation. Comme l'épuration du mental, ça se fait comment? C'est par l'observation. Il n'y a rien d'autre. Puis c'est vraiment l'individu, là. C'est l'individu. Il est mis dans une situation où il n'y a pas le choix. Le choix d'observer. Ça, c'est quand c'est dans des situations quand ça va vraiment pas bien, puis que vous subissez, là, pas à peu près. C'est là que c'est des occasions, toutes les phases critiques, les phases difficiles, les crises, c'est des occasions d'intégration. Puis c'est là que c'est le temps d'observer. Puis bon, le chat, il va mieux, mais il veut rentrer, mais il va rester dehors. Mais c'est ça. Virginie Gosselin, bonjour. Bonjour à vous. Donc, bon, c'est surtout ça, là. Oui. Le petit pet, si on le comprend, ben, on finit que, dans le fond, c'est qu'on n'a pas le choix. Dans le fond, on le prend. On finit qu'on n'a pas le choix. Ça reste pas de la maudite manipulation quand même, d'un bord comme de l'autre. Ça dépend. Votre observation, c'est pas de la manipulation. Si vous observez de la manipulation, que vous subissez. L'observation, c'est de l'observation. C'est-à-dire, vous pouvez même pas faire un, vous pouvez même pas faire un, donner une valeur à ça. La valeur, elle va être purement technique au niveau de ce qui se passe. La façon que vous observez ce qui se passe va faire que va se déclencher ou pas des automatismes. C'est d'avoir de la présence tout le temps, puis d'observer tout le temps. Puis plus ça va mal, plus là, c'est le temps d'être centré, puis d'observer. C'est juste voir ce qui se passe, c'est tout. Il n'y a pas rien à payer gratuit, là. Je veux dire, bon, c'est pas gratuit, gratuit, mais je veux dire, vous ne pouvez pas payer du monde pour ça. Vous pouvez pas. Ça donne rien. Voyons, là. La peur de souffrir est forte. Moi, quand on s'arrête un peu en observant cette souffrance, on se rend compte que ce n'est pas si pire et ça disparaît. C'est magique, l'observation. Plus je dis ça, bon, c'est une façon de parler, là. Mais c'est très, très fort. Il n'y a rien de plus fort que ça. Il n'y a rien de plus fort que ça. C'est juste de voir ce qui se passe, pas dur. Dans le sens, pas dur. C'est dur, oui, parce que c'est subtil. Mais c'est pas dur au sens de. C'est moins dur que de vous déplacer ou bien de faire des formations en Zoom ou de payer 600 piastres pour 2 jours. T'sais, puis en plus, c'est. En tout cas, quand tu parles d'occasion d'intégration, tu parles d'observation, mais au final, on observe tout. En sachant qu'on ne peut pas être intelligent tout seul, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. L'affaire, c'est que, bon, vous êtes dans un contexte. Vous n'êtes jamais tout seul, dans le fond. Non, l'observation, là, à un moment donné, c'est par après. C'est au niveau, par après, là. Là, moi, ouais, il y a des affaires, on ne peut pas tout seul, mais l'observation, vous pouvez tout seul. Hein? Toujours avoir un esprit calme et alerte. Ouais, mais des fois, c'est pas nécessaire d'être tout le temps calme. Des fois, c'est le temps de pas être calme. On se rend compte qu'on a un beau virus à l'intérieur de nous. Ouais, ben, on est configuré par la condition. Ah, bonjour, Angélique. On est configuré par notre condition, dans le sens qu'on est conditionné. C'est tout. C'est quoi, dans le fond, la subjectivité? La subjectivité, c'est ce qui s'est construit inconsciemment, d'une façon mécanique, comme la personnalité. Mais la vraie personne, ça va être ce qui va être capable d'observer objectivement la personnalité, puis de voir que c'est circonstanciel, que c'est pas réel. Bon, je veux dire, prenez quelqu'un qui a fait rire de lui à l'école quand il est enfant. Quand il est dans des lieux publics, là, puis qu'il y a des gens qui rient à une table ou quelque part, tout de suite, il va avoir le réflexe d'observer si on ne rit pas de lui. Ça en est ça du conditionnement. Ça en est ça de la personnalité. Mais s'il finit par le voir que ce n'est pas réel, c'est l'affaire qu'il voit qui est réelle, pas l'affaire qui est vue. Donc, c'est pas si subtil que ça. C'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, ce n'est pas des affaires compliquées. Moi, c'est ça qui me dépasse. C'est ça qui me dépasse. J'arrive pas à croire que le monde pense que c'est compliqué, puis que ça prend des formations, puis que ça. Puis là, ils payent. C'est tout gratuit. La conscience, là, c'est gratuit. Ce qui se paye le plus cher, c'est votre inconscience. C'est ça qui va coûter cher. Mais la conscience, c'est gratuit. C'est même rentable. C'est même rentable. En tout cas, mais à moins que vous soyez malhonnête, là, l'inconscience des autres va être rentable. Ça va tout, dans le fond, là, quand on vend du sable à des Saoudiens, dans le fond, ça revient à ça, là. Vendre de la conscience, ça ne se fait pas rapport, c'est pas de même, ça marche. Mais bon, l'affaire, ça dépend tout le temps qu'est-ce qui est dit. Moi, c'est ça que je regarde. Je veux dire, si on vous vend une formation, puis qu'il n'y a pas trop de prétentions, puis bon, c'est correct. Je dirais, bon. Mais là, quand c'est rendu que ça, on laisse sous-entendre qu'il va y avoir une accélération de la formation du double puis une intensification du contact, là, attention. Attention. Parce que, justement, ça marche. Ça. Vous pouvez rien faire pour accélérer ça. Puis jusqu'à un certain point, même on peut dire, c'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. Des fois, je pète une crise quand j'observe trop de choses et ça va trop vite dans ma tête. J'en tabarnak, mais une fois la crise faite, il n'y a pas d'émotivité. Mais je vis mon émotion à 100% quand ça passe. Oh, ouais. Ben là, c'est peut-être pas de l'observation comme je parle. Mais bon. Est-ce en direct en ce moment? Ben oui. Bonjour à tous. Bonjour. Isia, Louis. Bon. Je trouve que les gens mélangent intense et agressivité. Bon, ça dépend. Bonjour à tous. Ouais, bon. Si oui, bien bonjour. Ben bonjour, Daniel. Valeureuse, on est conditionné à croire qu'on a besoin de l'extérieur, qu'on est incapable d'être autosuffisant. Ouais, le pire, c'est que jusqu'à un certain point, c'est vrai. C'est vrai qu'on a besoin de l'extérieur. L'affaire, c'est que ça part pas de l'extérieur. Ça part pas de l'extérieur. Puis, c'est ça qui se vend. C'est ça qui se vend. Ben, dans le fond, là, je n'ai pas vraiment un mot à dire. L'affaire, c'est parce que ça devient c'est de la spiritualité. Ça revient de la formation personnelle, du développement personnel. Ça revient des affaires de même. Des techniques, bon, comme il y en a plein, là, d'affaires de même. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est mis sous une étiquette autre pour le vendre. Puis là, bon, c'est sûr, je regarde ça, je trouve ça inquiétant, là. Je trouve ça de valeur pour le monde. Mais c'est correct, je veux dire, s'ils veulent se garrocher là-dedans, ils verront peut-être à l'eau, à long. Ça, c'est comme quand du monde, là, ils s'achètent un livre, là, puis ils pensent qu'après avoir lu ce livre-là, là, ils vont l'avoir à l'affaire. Mais c'est rien qu'un livre de plus. C'est rien qu'un livre de plus. Bon, ben, écoute, hein. L'observation que tu parles est d'être inébranlable dans l'œil de la tempête. Oui, jusqu'à un certain point. Puis des fois, ben, ça prend une tempête. Je veux dire, quelqu'un que ça va bien puis qui n'a jamais eu aucune opposition dans sa vie, il ne peut pas développer une observation comme ça. C'est impossible. Ou bien ça va arriver sur le tard. Puis là, c'est plus dur. C'est plus dur. Il y en a des fois, ils se disent, oh, c'est pas drôle, les jeunes, aujourd'hui, c'est pas drôle ce qu'ils vivent, blablabla. Mais des affaires de même, c'est mieux de les vivre jeunes. C'est mieux de les vivre jeunes que de les vivre rendus vieux, là. J'en ai vu des gens plus âgés qui ont commencé des processus comme ça, ou qui ont commencé à défragmenter de la vieille mémoire subjective, si on peut dire. Puis c'est plus dur, là. En tout cas, je me suis débarrassé de tous mes fameux livres censés changer ma vie. Ben, ça a fini par marcher d'abord. Vous êtes moins naïfs. Bon, ça marche à un moment donné. C'est pour ça que d'un autre côté, je me dis, bon, ben, c'est correct. C'est correct, les formations de ci puis de ça. Bon, c'est le monde, il faut qu'il. Dans le fond, là, c'est la déception. La déception, c'est plus utile que bien des révélations. Puis, bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu comme. C'est quoi, à un moment donné, j'avais vu, c'est une dame que je connais, elle a fait des formations en gestion des ressources humaines. À un moment donné, elle faisait un séminaire, là, je pense que c'était 2 jours. Puis, si vous aviez vu combien ça coûtait, j'en revenais pas. On parle plusieurs milliers de dollars, c'était vraiment cher. Mais, drette là, on est plus dans du concret, là. C'est déjà plus concret que des affaires de tarot, puis de voyons, là. Puis, vous savez. Le tarot, bon, il y a un langage au niveau des polarités magnétiques là-dedans. Il y a un langage, bon, ça a été encrypté. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, le judaïsme a été persécuté. Il y a certaines traditions que, bon, c'était comme un pense-bête un petit peu. Puis j'ai étudié ça pendant 15 ans, pareil, moi, là. Hein? Avant de me rendre compte que finalement, c'est la même maudite affaire que le reste. Puis finalement, j'ai rien appris. Je veux dire, c'est toutes des affaires que je savais déjà. Puis bon. Là, après, j'ai jamais payé personne pour ça. Vous pouvez faire. Je veux dire, ça, c'est... voyons, là. Bonjour, on peut se former sur la nourriture ou c'est pareil que les formations de développement personnel? Ben, ça dépend, c'est dans vos intérêts, mais vous voyez, si vous avez de l'intérêt pour ça, il n'y a pas de problème. L'affaire, c'est que ça ne faut pas que ça devienne une obsession. Faut pas que ça devienne une obsession, faut pas que ça devienne doctrinal, faut pas, je veux dire, bon, il y a une différence entre, je ne sais pas, moi, si vous allez suivre une petite formation en diététique pour avoir la base, puis. C'est pas pareil que si vous allez suivre une formation sur les essences subtiles dans les affaires, puis bon, à un moment donné, ça vient de la bouillie pour les choux. Là. La peur, c'est toutes ces formes. Ouais. De quoi on parle là? Philippe, bonjour. Ah, Sutralia, Amalia, bonjour, désolé en retard, ben là, je ne vous attendais pas, donc bon. Nous avons perdu le son. Quoi? Pour vrai? Vous avez plus de son. C'est sûr? Oui, justement, c'est quoi le tarot psychique? Je sais-tu, moi? J'espère qu'il n'y a plus de son. Mais non, y a-t-il, est-ce qu'il y a du son? Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son, moi ça me dit qu'il y en a. En achetant, OK. Ces fameux livres. Le vendeur sait très bien qu'il exploite une faiblesse de la personne qui achète. Ben oui, c'est sûr. Il y a toujours c'est une affaire d'offre et de demande. Il y a toujours la même chose qui revient. C'est une question d'équilibre. Ouais, je t'entends. Bon, il y a du son. Je suis sûr que ça, OK. Bon. Ah, oh, bon, OK. Donc, l'affaire, c'est quoi? C'est qu'on va servir, au niveau de votre contact interne, on va servir d'un support qui va être le tarot. Moi, c'est ça que ça me dit que c'est. L'affaire, c'est que vous n'avez pas besoin de support. Vous êtes le support. C'est au niveau de la conscience, le contact, là, comme support, vous êtes passé. Bon, ben là, il y a un problème. Il y a un problème. Puis, d'accumuler des outils. Vous allez accumuler des outils. Faire, c'est comme il y en a, là, ils vont vendre des formations pour que vous développiez des outils pour un contact avec la conscience à l'interne. Ben, vous allez acheter des outils. Dans le fond, c'est de vous vendre des outils, de vous vendre des coffres à outils, puis finalement, vous allez être un jour plein d'outils. Puis, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix, vous allez vous mettre en expérience puis vous rendre compte que ces outils-là vous encombrent. Puis que vous n'en aviez pas besoin. Puis que c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, c'est ça. Les affaires, c'est des outils. Puis c'est vendu par des quincailleries. C'est des quincailleries qui vendent des outils. J'arrive pas à trouver ma fille pour arrêter de fumer. As-tu un conseil? Ben, vous savez, arrêter de fumer, même j'ai arrêté de fumer un an. Puis c'est pas parce que j'ai trouvé une faille. C'est parce que j'ai décidé un an. J'ai pendant un an, j'ai tenu bon, j'ai arrêté. Bon, la faille, ça dépend de quoi on parle. J'essaye avec une nouvelle ligne de temps, mais j'y arrive pas. Vous savez, le tabac, c'est tout un sevrage. C'est juste un sevrage. Après une semaine, là, le plus gros est fait, puis tout ce qui reste, c'est le psychologique. Après le sevrage, le physique, là, les malaises physiques, c'est pas mal fini. C'est juste un sevrage, c'est juste de tenir bon. C'est tout. Puis oui, c'est déplaisant au début. Bon, il y a des gens qui ont la diarrhée ou ils vont faire des cauchemars. Mais c'est vraiment juste de tenir bon. Il n'y a pas vraiment de... Le truc pour arrêter de fumer, c'est d'arrêter de fumer. Puis, pour le sevrage, ben, c'est d'attendre d'être sevré. C'est, je le sais, là, ça a l'air con ce que je dis, mais c'est mécanique un peu, dans le fond. Là. J'ai arrêté 5 ans et recommencé dernièrement. Quand j'ai arrêté, je m'étais arrêté à une date. Ah. Ben, vous savez, comme ça, on va se donner une date. Puis c'est comme les bonnes résolutions. Bon, ben ça, c'est pour fixer la volonté. Il y en a, ils ont besoin d'une forme comme ça. Puis bon, mais pas nécessairement besoin de date. Mais bon, et moi, les patchs ont aidé. Mais bon, probablement un support encore. Ben, les patchs, parce que ça atténue les symptômes de manque. Ça atténue un petit peu le sevrage. Donc, on peut pas le nier, là. Ça a un effet quand même. Il y en a une dame que je connais, elle a arrêté de fumer. Puis elle est là-dessus, là, les patchs. Ça a l'air de fonctionner. Donc, bon. Bonjour, Lorine. Lorine. Lorraine. Je ne sais plus comment prononcer votre prénom. Ben, votre, bon. Ben non, arrêtez de fumer, là. C'est le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. C'est juste le faire. Bon, il peut y avoir des trucs pour vous aider, mais il n'y a rien d'ultime. Puis ça, comme maintenant, la grande différence que j'ai, si j'arrête de fumer, puis je fume moins que je fumais, je suis rendu à un paquet aux 2 jours, à peu près. Maintenant, la différence, si j'arrête, c'est que je sais que je suis capable. Parce que j'ai arrêté 1 an. Donc, ça change déjà beaucoup de choses, là, de savoir que 1 an que j'ai arrêté la vapoteuse, 1 an que je suis en manque permanent, pire qu'avec le tabac. Ah oui, j'ai tout à été bien critique de ça, les vapoteuses, là. Ben non, Nick, aucun truc, ben non, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas vraiment de truc. Puis, bon, ben c'est ça. C'est un petit peu comme pour maigrir. Il n'y a pas de truc, là, tant que ça, là. C'est des affaires qu'on sait déjà. Mais c'est des choses qui font pas notre affaire. Bon, c'est comme quelqu'un qui serait obèse morbide, puis là, qui vient vous voir pour maigrir, puis vous dites, ben, faut que tu manges moins, puis tu bouges plus, la personne va être en colère. Mais pourtant, elle pense, s'imagine quoi, là? S'imagine quoi? C'est pareil le reste. Donc, j'ai arrêté de fumer en remplaçant par des pipasso, là. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être. C'est comme en plastique, là. Ça, dans la dernière vidéo, vous avez dit ne pas vous laisser aller à l'émerveillement. Le coucher de soleil, vous ne regrettez plus la perte de votre jardin. Non, je pense pas à ça, là. C'était pas de l'émerveillement, là. Imaginez, là. Je ne sais pas, moi, que vous avez mis beaucoup d'efforts à entretenir, je ne sais pas, moi, une pièce de votre maison, puis qu'un ours viendrait faire du ravage dedans. C'est pas une perte d'émerveillement, c'est juste. Moi, c'est en fumant du pot 3 fois plus que j'ai réussi d'arrêter la cigarette. Maintenant, 23 cigarettes, 23 cigarettes, 20 potes moins. Ouais, mais là, c'est comme un transfert, là. C'est comme un transfert. Puis le pot, c'est pas mieux, là. En tout cas, ça dépend, là. Arrêter de fumer, c'est de trouver l'intention derrière ça. C'est comme maigrir. Ouais. Guérir le symptôme. Ouais. Mais là, à la fin, je raccroche, là, le pot, là. Le pot, là. C'est parce que cette affaire-là, ça mobilise le psychique d'un coup dans un court laps de temps. Puis après, le monde, ils n'ont plus d'énergie psychique. C'est comme, bon, vous regarderez ça, là. Quand vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie psychique, vous allez avoir des nuits où il y a beaucoup de rêves. Bon. Mais fumez du pot, là, avant de vous coucher, vous ne rêverez pas. En tout cas, ça a fonctionné 23 ans, la cigarette. OK, 20 ans, le pot. Ouais, bon, j'ai lâché la drogue il y a 3 ans, puis l'alcool il y a 9 mois. Mais pour la cigarette, je me casse pas la tête. Ça viendra quand ça viendra. Ben oui. De toute façon, pour n'importe quoi. Se casser la tête, là. Se casser la tête, c'est comme un symptôme que il y a un blocage. Il y a un blocage. Puis là, ça se manifeste au niveau de l'inquiétude, puis du cassage de tête, puis d'une certaine, comment je pourrais dire ça, fébrilité. Donc là, on voit qu'il y a une charge nerveuse. Il y a quelque chose là, au niveau nerveux. Puis souvent, plus on se casse la tête, puis bon, moins ça marche. C'est pas en se cassant la tête. Souvent, vous cherchez une solution à quelque chose, vous vous cassez la tête, vous vous cassez la tête. Finalement, vous lâchez prise parce que vous êtes épuisé, puis là, finalement, vous pensez plus à ça, puis là, pouf, la solution apparaît d'un coup. Bon, je fais-tu rentrer le chat, là? Un instant, là. Non, pas de temps. Il va être couché là-bas. Il va être couché, si je fais là. OK. Bon. Ce sont des graines de tournesol salées vendues en petit sachet en France. Du coup, je calme mes nerfs. Ah oui, bon. Ben, il y a quelque chose de buccal hein, au niveau de la cigarette, donc bon, ça semble logique. Quand il y a des belles résolutions anti-dépendance, on finit par baigner dans l'espoir, puis on se ramasse dans une déception fabriquée de toutes pièces. Ben, l'espoir aussi. Donc oui, ça va. Oui, allô, Minou, ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Et qui est étonnant. Bon, ça fait un live différent un peu, là. Je perds le fil, là, mais il n'y avait pas de fil. Mais bon. Il n'est pas drôle, ça. Hein? Ça guérit, là, son otite. Ça fonctionne bien. Le vétérinaire pense qu'il s'est fait mordre par un autre chat à la tête. Puis là, ça s'est infecté, puis ça a coulé dans son oreille. Il faut que je désinfecte son oreille tous les jours, là, ici, là. Assez à l'intérieur, là, je ne touche pas. Là. Puis, c'est ça, il aurait été mordu par un autre chat, ça s'est infecté, ça a coulé dans son oreille, puis ça a fait une otite. Puis, c'est ça qu'il aurait eu. Là. Donc, bon, c'est encore moins qu'il soigne. Là. Puis, c'est ça. Mais là, ça va mieux, là. C'est guéri. Ouais, c'est pas très intéressant. Hein? Ils sont tellement beaux, intérieur, extérieur, ben. Peut-être que ton chat aimerait venir à ma formation à 4 000$. Mais c'est à ce prix-là, je l'euthanasie à la place. As-tu un truc pour se préserver d'attitudes désagréables de gens que l'on côtoie dans le cadre de notre travail? Là, ça devient complexe parce que c'est contextuel beaucoup. Ça dépend de quel contexte, ça dépend le type de personne, le type de. Un autre truc pour arrêter, avoir une bouteille d'eau. Des bâtons de cannelle dans la bouche et sur une oreille. Moi, ouais. Mais là, c'est encore des petits supports, là. J'adore les chats, mais allergiques. Ah oui, peut-être qu'il y a possibilité de développer lentement une résistance. Au pire, il y a les petits sphinx, là. Il y en a une autre race, là. Ils sont frisés. Je pense qu'ils sont hypoallergènes. Ah, mon pauvre Minou! Chanceux de t'avoir, moi. Ils viennent tous à ma porte à un moment donné. Dans notre maison ou dans le lieu où on est obligé de côtoyer d'autres gens qui sont malheureux, désagréables, en colère. Merci pour la réponse. Ben, pour ta réponse, c'est que ça va tout le temps être une question de vous, qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Parce que si vous le voyez de plus en plus d'avance, il va y avoir possibilité de désamorcer. Il y a une dame à qui j'avais affaire, puis j'avais souvent des. Souvent, j'étais pas content après elle parce qu'elle gérait, bon, n'importe comment. Ça n'avait pas de bon sens. Puis dès que je me trouvais en face d'elle dans son bureau, j'étais complètement désarçonné. J'étais complètement désarmé. Puis j'ai fini par savoir qu'elle, elle avait eu une formation de magnétisme, entre autres. C'est surprenant parce que c'est une dame qui était dans un domaine très rationnel. Puis finalement, j'ai fini par comprendre que, elle venait à bout de me désamorcer par juste en m'imposant sa volonté. Mais là, dans ce temps-là, j'étais jeune pas mal. Mais finalement, avec le temps, aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Mais Peut-être vous pouvez, juste par votre pensée, votre attitude, ça influence les gens autour. Donc, bon. Je comprends cette action de retenir les programmes qui prennent plaisir à contempler. Ah, je comprends ça comme un renoncement aux illusions spirituelles. Ouais. Mais même là, c'est drastique, hein? Il n'est pas supposé avoir un deuil de ça, mais bon. Est-ce que, en ce qui me concerne, 50 ans de conso régulière, je n'ai pas, ça ne m'a pas empêché de rêver. Et si aujourd'hui j'ai cessé le THC, je ne rêve pas plus. Nous sommes tous différents, ça dépend. Ça dépend du type de psychisme que vous avez, genre de personnalité. Mais déjà là, si vous n'avez jamais beaucoup, beaucoup rêvé, dans le sens que déjà, bon ben là, il y a quoi là? Il y a quelque chose là. Vous êtes censé avoir un monde onirique, une vie onirique nocturne. Là. Mais sinon, ça veut dire que vous en avez une, mais le contenu, votre ego est protégé du contenu. Là, ça serait de voir comment ça. Les chats anti-allergènes, les chats Rex moins sont comme frisés. Allô, Bertel. Oui, bonjour, Roselyne. Je crois que les allergies se passent au niveau de la salive. Oh oui, c'est le cas. Puis quand ils font leur toilette après, puis qu'ils muent, ben là, c'est là que ça suit les particules. Mais il y a des chats qui, parce qu'ils ne muent pas, sont hypoallergènes. À moins que vous vous mettiez la face dedans. Là. Mais renoncer à ces illusions, n'est-ce pas renoncer à un plaisir naturel? Ça dépend, là. La vie ne devient-elle pas complètement fade sans prendre plaisir aux contemplations des choses simples comme celles d'un jardin? Non. On ne parle pas de la même chose, là. On ne parle pas de la même chose. L'affaire, c'est... bon. Comment je pourrais dire ça? Si vous voyez la mécanique psychologique, il y a des choses, des pièges que vous ne tomberez plus là-dedans. Comme, prenez les gens qui ont passé toute leur vie à vouloir cultiver le bonheur puis à être heureux. Puis finalement que, bon, ça marche pas. Ça marche pas. À un moment donné, ils vont finir par se rendre compte que c'est une illusion, qui s'était construite une attente, qui est irréaliste. À ce moment-là, non, ça devient pas fade, c'est une libération. C'est une libération. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est sur Terre pour être heureux. Non. On est sur Terre, c'est un peu comme une école. On est sur Terre pour intégrer, on est sur Terre pour... Bon, on n'est pas sur Terre pour être heureux. Ça, c'est entre autres, c'est collatéral. Puis ce ne sera jamais parfait. Ton centre de gravité se construit de plus en plus. L'influence extérieure est vue pour ce qu'elle est. Et la mécanique de sympathie à l'autre ne s'enclenche pas en lien avec le désagréable à job. Moi, mais là... La mécanique de sympathie, l'affaire, c'est que c'est vibratoire beaucoup. Des fois, bon, c'est votre vibration va beaucoup influencer le comportement autour. Donc, si vous allez au travail avec l'appréhension que ça va être désagréable, c'est comme vous mettez le terrain. Là. Vous mettez la... Puis, c'est drôle, hein? Je vais te porter, souvent, plus les gens étaient déplaisants avec moi, puis moi, j'en tenais compte. Ou bien, je ne donnais pas d'importance à ça, puis ça finissait par s'arrêter. Ou bien, je vais agir d'une façon, bon. Je vais vous donner un exemple. Là. Il y a une ville où j'étais, j'allais souvent au dépanneur, puis il y avait une des employées qui était bête avec moi. Elle était vraiment bête, là, je veux dire, impolie. Bête au Québec, c'est pas être idiot, c'est être de mauvaise humeur, puis bon, un peu avenant. Puis elle était tellement bête. Puis à peu près la troisième journée, c'est comme si elle voulait pas me voir comme client. Puis à chaque fois que j'allais là, j'avais l'impression de me faire un mettre dehors quasiment. Puis finalement, bon, j'ai commencé à y aller d'une façon plus assidue, puis j'y allais pour elle. Puis j'y allais juste quasiment quand c'était elle. Puis finalement, je rentrais, puis tout de suite, je rentrais, puis je l'agressais immédiatement. C'est-à-dire, je la regardais tout de suite, puis je souriais en disant « Bonjour, vous, comment ça va? » elle n'est pas restée bête longtemps avec moi. Parce qu'elle s'est rendue compte. Elle s'est rendue compte que je riais d'elle. Ben oui, je riais d'elle. La personne est tout le temps en colère, elle est tout le temps enragée après moi. Fait que là, je bonjour, vous, comment ça va? Puis là, je l'écoutais avec intérêt, là, sa réponse. Je la regardais, là. Comment ça va aujourd'hui, vous? Ça n'a pas duré longtemps. Elle a fini par se rendre compte qu'elle dit, ben, lui, il a un humour un petit peu tordu, puis je réussirai pas avec lui. Je réussirai pas, ça marchera pas. Puis plus je vais être bête avec, plus qu'il va m'achaler. Donc, bon, finalement, ça a réglé le problème. Ça a vraiment réglé le problème. Puis ça finit par, bon, je peux pas dire devenir une grande amie, là. Ça finit par, en tout cas, qu'est-ce qui doit, hein, quoi, qu'est-ce qui doit-on? Qu'est-ce qui doit-on évoluer? L'ego, l'esprit ou l'âme? Ou autre chose, tout peut-être. Bon, ça, l'évolution, c'est quoi l'évolution? L'évolution, ça va être un transfert de la gestion au niveau d'une conscience humaine. C'est-à-dire que l'être humain, il est géré. Il est géré par un paquet d'affaires, des programmes, entre autres, ce que les Freudiens vont appeler des complexes, dans le sens qu'il y a des choses qui vont agir à notre insu, parce que c'est pas vu. Puis donc, l'inconscience de l'être humain, c'est beaucoup plus vaste que sa conscience, on peut dire. Puis le trois quarts des résultantes de sa vie, c'est dû à ces structures-là. Donc, l'affaire, c'est quoi qui évolue? C'est quoi qui évolue? C'est la conscience va intégrer ce qui n'était pas vu avant. Puis c'est de moins en moins des programmes qui sont dans son inconscience, dans le fond, qui vont la gérer, il va avoir un transfert de la gestion. Donc, l'affaire, est-ce que c'est l'esprit qui évolue? Ben non. L'esprit n'évolue pas, il ne peut pas. Est-ce que c'est l'âme qui évolue? L'âme, l'évolution de l'âme, ça a été collectif, puis ça a duré. Bon, c'est autre chose là, au niveau de l'individu, même si c'est lié. Est-ce que c'est l'ego qui évolue? Bon, l'ego, il est en expansion de conscience, c'est-à-dire il y a un début d'intégration. C'est-à-dire, il va se mettre à voir ce qu'il ne voyait pas. De plus en plus. C'est ça. Puis, ça va venir de l'individu au départ. Ça va venir de son vécu, de sa vue. Tandis que l'involution, qui était basée sur, entre autres, l'évolution de l'âme, ça, c'est collectif, puis ça vient de l'extérieur. C'est même de la pression, si on peut dire, sur la structure psychique de l'individu. Prenez la Corée du Sud, le Japon, les jeunes se suicident beaucoup parce que c'est beaucoup de la pression extérieure, sociale, la famille. Puis c'est des sociétés anti-individus. C'est des sociétés anti-individus. Donc les jeunes vont être portés à beaucoup suicider parce qu'ils réussissent pas à l'école. Ça, c'est de l'involution. C'est de l'involution. Puis un jour, ils n'auront pas le choix d'évoluer, dans le sens que. Ça ne veut pas dire qu'ils vont régler le problème, ça veut juste dire qu'ils vont le voir. Puis il va être probablement trop tard. C'est souvent comme ça, hein? C'est plate, mais bon. Bonjour, quel ro? Quel ro? Hey, j'ai déjà parlé de ça, le ro. Le variant ro. Quel rôle, OK? Quel rôle occulte vous est imparti? Avez-vous des responsabilités vis-à-vis nous? Qui vous suivons. Moi, je considère que non. Ben non, c'est juste un support. Puis, ben, je ne sais pas, moi, mettons que j'agirais d'une façon qui n'a aucun sens, là, que je dirais au monde des affaires que, bon, que ça aurait des conséquences. Comme j'ai connu du monde qui écrivait sur Internet à d'autres de suicider carrément. J'ai vu ça. Ben, je ne fais pas d'affaires de même. Je fais pas d'affaires de même. Si je ne réponds, ça va tout le temps, tout vous revient tout le temps. Vous pouvez pas vous déresponsabiliser sur moi, par exemple. En plus que je fais attention. Fait que bon, peux-tu expliquer l'allergie au chat, aux bêtes au niveau vibratoire? Ben, moi, je pense que c'est mécanique, mais ça peut être une somatisation. Ça peut être plein d'affaires. Ça va exprimer quelque chose. Ça va exprimer quelque chose. Ben, prenez au niveau les gens qui n'aiment pas les chats. Ça arrive. Il y a une dame, je connais, elle a une peur panique. Ben, d'habitude, vous regardez dans l'enfance la relation avec la mère. En tout cas, il y a des blouses, même pas vibratoires, là, ce que je vous dis là. Dans le fond, le terme évolution est juste pour déterminer un repère dans le temps. Mais pour ce qui est de l'individu, ce serait plus une question d'intégration. Ouais, parce que ça fait partie des lois évolutives. Puis je vois ça comme des lois de conséquence. C'est pas l'évolution comme les darwinistes, là. Non. C'est un petit peu comme quand on parle, bon, vous prenez les âges, l'âge de pierre, l'âge de bronze. Mais non, c'était pas ça les âges avant. Il y avait un âge d'or, puis ça finissait par un âge de fer. Séparer l'évolution. Séparer l'évolution, ça a été complètement repris. C'est le monde aujourd'hui, on dit évolution, ils entendent d'autres choses de ce qu'on veut dire dans le fond. Parce que bon, c'est quoi l'évolution? On peut pas nier que je parle pas au niveau darwinisme, mais c'est quoi l'évolution, le principe? Bon, ben, vous venez au monde, vous êtes un bébé, vous êtes devenu un enfant, après vous venez ado, après vous venez jeune adulte, après vous venez adulte, après vous venez vieux, puis après vous crevez. C'en est une évolution. C'est juste que c'est dans le mouvement dans le temps, comme vous dites, c'est ça. Ah, OK, on est responsable de ce que l'on dit, pas de ce que les autres comprennent. Ouais, mais là, ça dépend. Il y a des petites nuances, là, comment. Un homme conscient ne se suicide pas, dit Bernard. Êtes-vous d'accord avec lui? Si oui, pourquoi? Pourquoi? Oui, je suis d'accord. Ben, ça dépend, là, du contexte. Mais il y a du monde qui se suicide parce qu'ils ont des idées noires, puis je veux mourir, puis ils n'ont plus envie de vivre, là. Ça, c'est tout le temps de l'inconscience, tout le temps. Pourquoi? Ben, là, c'est de l'évidence. Il y a quelque chose qu'il ne voit pas. La souffrance, c'est juste dans l'information. Mais là, l'information n'est pas intégrée. Fait que le monde, ils veulent mourir, puis ils ne savent pas pourquoi. Vous leur demandez, dis pourquoi, là? Ils disent, oh, ben, je suis malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Oh, ben, là, c'est pas juste. Bon, ben oui, mais c'est toutes des conneries qui vont vous répondre. Il faut que la personne, elle voit que c'est pas intelligent. Il faut que la personne voit que c'est pas intelligent, puis que ça ne vient pas d'elle. C'est circonstanciel. Ça vient d'une incapacité à traiter l'information. Ça vient d'une vue, une vue restreinte. Donc, c'est ça. Moi, ça s'est développé quand je suis tombé enceinte. Ah oui, ça dépend, on parle de quoi, là? Du plus loin que je me rappelle, je n'ai jamais été heureux ou apprécié ma vie. Tu as une idée pourquoi, même à l'âge de 4 ans, je disais à mes parents que je ne voulais pas vivre. Ouais. Ben, c'est comme si vous reflétez peut-être l'environnement. Il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas au niveau du foyer. Ça se reflète dans l'enfant. Quand je vois des problèmes de comportement chez des jeunes enfants, je regarde tout le temps le milieu. Ça vient tout le temps du milieu familial, quasiment tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. Donc, bon. Mais si, c'est comme aussi, l'enfant, il va baser sa valeur sur l'appréciation des parents, sur le fait d'être vu. L'enfant, il a besoin de se sentir vu puis apprécié par ses parents. Si ça, c'est pas là, ben, il n'est pas dans un milieu rassurant, il va mal se développer. C'est pas long, là, c'est pas. Merci pour la réponse, c'était pas évident. Je peux te dire que je comprends la réponse, je me souviens pas. Vous voyez, là, comment que c'est. Mais OK, tant mieux. Le suicide peut-il faire partie de la programmation? Ben oui. Ben oui. Même des fois, on dirait que c'est l'entourage qui a vu ça. C'est vrai que l'égrégore de l'idéologie darwinienne est fortement attaché à ce mot. Quand je veux élaborer sur ce sujet, mes conceptions sont grandement influencées par cette théorie. Moi, ouais. C'est quoi une théorie? Ben, c'est une hypothèse de travail. Mais ça veut dire que c'est pas complet. C'est pas complet. Dans le sens que, oui, on constate certaines choses. Je veux dire, c'est pas tout à acheter. C'est comme, prenez la théorie psychanalytique. Il y a des choses là-dedans qui sont intéressantes, pareil, puis qu'on peut même constater. Est-ce que réellement, on n'a pas de libre arbitre et pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que, ben, regarde, on va le regarder, là. Pourquoi vous prenez une décision? Parce que, si vous saviez ce qu'il y a de plus logique à faire, parce que vous avez une vue claire de ce qu'il y a de plus logique à faire, vous n'avez pas à prendre de décision. C'est fini. Donc, c'est quoi le libre arbitre? C'est une compensation. C'est une compensation. Pourquoi? Parce que l'être humain ne sait pas. L'individu ne sait pas. Il n'est pas sûr. Il n'est pas dans son savoir, il est dans de la connaissance. Ça fait qu'il prend des décisions. Les gens vont dire, ah, ben, c'est le choix de chacun, la spiritualité, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Ben, c'est pas vrai, ça. Pourquoi les gens sont polarisés entre le doute et la croyance? Parce qu'ils savent pas. Encore. Fait qu'ils sont dans l'illusion de prendre des décisions. Puis les décisions prises vont être influencées par le contexte. Ça va être selon les éléments disponibles. Mais quelqu'un qui sait tout le temps ce qu'il y a de plus logique à faire, qui sait, qui voit, il ne prend pas de décision. C'est un petit peu comme si quelqu'un arrive pour vous donner un coup de poing puis que vous vous mettez la tête de côté pour l'éviter, ce n'est pas une décision, ça. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça, le libre arbitre, c'est quoi ça? Ben, ça vient du fait que l'être humain est psychologique. Ça vient du fait qu'il réfléchit. Il réfléchit. Pourquoi il réfléchit? Parce qu'il ne sait pas. C'est un peu comme, bon, on va réfléchir la lumière dans notre mental parce qu'on n'en a pas assez. Ben oui, mais ça n'en fera pas plus de lumière. Si vous ruminez pendant une heure une botte de foin, il n'en fera pas plus. Là. C'est ça, je veux dire. C'est mécanique, hein, le libre arbitre. C'est mécanique. Donc, c'est pas lié à de la lucidité. C'est pas lié à la... Ça fait partie de l'aspect mécanique de la pensée et puis ces choses-là. Pourrais-tu. J'ai-tu un autre, on devrait nous. Mais attendez, là. J'ai peut-être manqué des choses. Qu'est-ce que cette année, lui ou un autre, on devrait nous remettre ça? Ah, je sais pas de quoi. Pourrais-tu m'éclairer sur l'être systémique? Merci d'avance. L'être systémique? Ben, l'être, ça fait partie du systémique. Mais l'être systémique, ça dépend de ce que vous voulez dire par ça. Par ça. Parce que le systémique, là, c'est juste un ensemble de lois mécaniques. C'est ça, le systémique. Les aspects autorégulés de ce qui est cybernétique dans l'univers. C'est pas. Mais là, l'être systémique, faudrait. Quand j'étais enfant, 4 ou 5 ans, j'ai dit à ma mère et frères et sœurs qu'avant, j'avais une autre famille, un autre père. C'est assez spécial, je m'en souviens. Moi j'avais raconté à une éducatrice en garderie que ma famille, j'avais déjà vécu, on vivait dans des espèces de tentes. Mais sans le savoir, savez-vous ce que je décrivais? Je décrivais les modes de vie des espèces de Turkmènes, là, puis des Altaïs, puis ces affaires-là. Étrange, hein? Annick, c'est quoi tu veux dire en lien avec les allergies? Ah, ben, j'avais compris ça. Et ces cartes des anges, comme Dorine Virtu, ah, je connais pas. Bonjour, merci pour tout. Ton cœur à l'ouvrage, ah, ben, de rien. Pourtant. Je suis tellement. Yitu Terakoto. Ah, vous êtes d'origine africaine? Au début, de loin, je pensais que c'était genre japonais, mais non, ça a l'air africain. Je suis curieux, tu es philosophe de métier ou c'est naturel? Ben non. La philosophie, ça sert à rien. C'est réellement ce que je pense, là. C'est de l'intellect, donc, bon, non. Il y a une programmation suicidaire dans ma famille, je la vois, j'ai peur qu'elle atteigne un proche. J'ai l'impression que si j'y cédais, un autre serait préservé. Est-ce une illusion? Oui. Oui, là, des transferts comme ça, là. Bon, attention, là. Attention. Puis les décisions sont influencées par des patterns puisés dans le mémoriel, ensuite appliqués selon le bien et le mal de la conséquence de la décision. Bien mal pour ou contre. Ouais, ben, ça fait partie du mental polarisé. Puis, bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est mécanique, là. L'être humain, il est dans l'illusion de prendre des décisions. Puis, c'est une activité de compensation, réellement. Je me sens un peu mal quand je viens de regarder un reportage, mais pas en entier, car ça me dérangeait sur l'apprentissage précoce de la sexualité aux enfants. Il y a de quoi se sentir mal, là. Pourquoi? Parce que c'est pas ajusté. C'est pas ajusté. Ça n'a aucun sens. Là. Mais là, ça, on est dans une... Il y en a, ils ont voulu dénoncer l'hypersexualisation des enfants. Puis, leur ultime remède contre ça, c'est une fuite vers l'avant. Hein? Prenez au Japon, là, il n'y a pas d'affaire de sexe à l'école avant 16-17 ans. Ils ne parlent pas de ça. Puis même, quand ils vont en parler, c'est au niveau des fonctions biologiques, des choses comme ça. Le reste, ça vient de la famille, ça fait partie de l'éducation. Prenant en Occident, on a remplacé les ministères, on a mélangé l'éducation puis l'instruction publique, puis ça ne va pas ensemble. C'est pas la même chose. Donc, bon. Ça va faire des enfants qui risquent d'avoir des problèmes psychologiques parce qu'il y a des choses, c'est pas le temps. C'est pas le temps. D'un autre côté, bon, c'est normal de les éduquer pour pas qu'ils se fassent abuser, pour pas qu'ils se... Bon, pour pas qu'ils soient victimes de... Bon, ça, ça fait partie de l'éducation, c'est correct. Mais là, un instant, là, ça va un petit peu loin. Ça va un petit peu trop loin. Là. C'est pas ajusté, puis... D'ailleurs, les enfants eux-mêmes, vous allez remarquer, ils sont mal à l'aise. Ça, c'est un bon indicateur que ben, le cours n'est pas ajusté. Là. Je viens de faire une découverte et j'aimerais la partager avec vous. C'est au sujet de la question que j'avais posée sur ton dernier live. OK, oui. Mais là, je ne sais pas. Là, c'est... Ah, je ne vous avais pas vu. Pourquoi il y a une vimine, un dindon? Un dindon. Bon, ben allez-y. Mais je suis sur le point, là, dans 4 minutes, là, j'arrête. J'accompagne en ce moment ma mère qui souffre de sénilité due à son grand âge. J'ai plutôt l'impression qu'elle est squattée plutôt qu'être sénile. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Au niveau de la démence, puis ce qu'on appelle l'errance nocturne, il y a toutes sortes de phénomènes. Puis oui, des fois, on dirait qu'il y a des forces qui vont prendre le corps de la personne pour se promener avec. Ça semblerait, là. Semblerait. J'avais jasé avec... j'ai eu une conjointe qui avait travaillé avec des gens qui souffraient de troubles mentaux dans une espèce de petite maison là, où ils vivent en milieu familial. Puis à un moment donné, elle me décrivait des gens qui faisaient des terreurs nocturnes et qui venaient lui raconter ce qu'ils voyaient. Puis à un moment donné, il y a une des malades mentales qui était venue lui dire « Il y a des araignées dans ma chambre, puis les araignées, ils font du fromage, puis là, j'aime pas ça. » Elle me racontait ça, puis j'ai dit « Ce qu'elle a décrit, c'est des larves astrales qui sécrètent comme de l'ectoplasme. Là. C'est surprenant qu'elle voit ça. » Là, moi, je voyais des liens avec des phénomènes. Puis je dis « Ouais. » C'est quand même curieux, là, c'est troublant. Voyons, le chat, il est tout genré sur moi. La question était sur ce qui avait amené l'humanité et les éléments déclencheurs. Amener l'humanité. La spiritualité permet de gérer l'angoisse. Je vois cette affaire. Comment dissiper l'angoisse par la spiritualité? Ben, c'est quoi l'angoisse, dans le fond? C'est parce que ça dépend, on parle de quoi? L'angoisse, souvent, ça va être de la peur, mais les objets de la peur ne parviennent pas à la conscience. C'est ça de l'angoisse. Quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, il ne sait pas de quoi il a peur. Souvent. Donc là, c'est d'aller voir c'est quoi. Souvent, c'est juste existentiel. C'est lié aussi à des choses liées à l'enfance, à des peurs profondes des fois. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être aller au bout de ça. Vous allez peut-être aller au bout de ça. Parce que je ne vois pas quoi faire d'autre. Mais à un moment donné, vous n'aurez plus peur. Il n'y aurait plus d'angoisse à gérer tant que ça. Là. Dans le fond, on se fait gérer. Hein? Je le vois de même. Partout où vous ne gérez pas, vous allez être géré. Donc, bon, c'est juste de transférer ça. Transférer la gestion. Mais c'est quoi les causes profondes de ça? Comment ça se fait que l'être humain il a peur de même? Ben là, si vous regardez... à l'enfance, un paquet de choses. Pour faire court, j'avais laissé le nom d'un grand homme éthologie et égyptologue. Ah oh, ouais. Ce monsieur se nommait Enka Ah, c'est un Allemand. J'aurais dû y penser, un égyptologue, là. Homotunde. OK, Homotunde. Ah, j'aurais peut-être voir. Bon, le minou, là, tétanais. L'histoire de l'humanité, l'Afrique dans l'Antiquité. Ouais, mais moi, j'en prends puis j'en laisse, hein. Sur ce qu'on nous dit. On dirait qu'elle passe dans d'autres lignes de temps. Et que puis-je y faire? Elle change effectivement de personnalité. Ah, votre mère. Ouais, ben, vous savez, ça devient délicat, là. Rendu à un certain âge, les gens très âgés. Ben, une affaire, je comprends pas. J'ai eu la mère de ma mère pendant que plusieurs jours, là, qui est venue en région. Puis là, c'est moi qui m'en suis occupé un petit peu. Puis tout le monde me disait qu'elle faisait de la démence précoce. Puis moi, je l'ai trouvée très correcte. J'ai pas trouvé qu'elle était démente du tout. Elle a perdu la vue, là. Puis bon, faut l'aider, faut la. Mais je l'ai pas trouvée démente du tout. Donc, peut-être qu'au niveau du milieu, il y aurait moyen de la stimuler, puis la ramener, si on peut dire, un petit peu. Et du coup, je voulais savoir si tu avais déjà entendu parler de ce monsieur. Non, pas du tout. Ah oui, Jean-Philippe. Homotunde. Jean-Philippe, ah oui. Coudonc, c'est une espèce de Hollandais, ça. Non, l'affaire. Non, je suis pas très au courant de ces affaires-là. Non, c'est un Guadeloupéen. OK, bon. Ouais. Non, je n'ai jamais entendu parler. Mais. Ben, franchement, si vous prenez. Bon, si on regarde l'histoire de l'humanité, là. Au niveau de l'historicité, ça appartient au collectif, c'est pas. Donc, bon, j'en tiens compte, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Puis par rapport à les sujets dont on parle, ben, ça change pas grand-chose, dans le fond. Des fois, oui, on peut faire des liens, on peut comprendre des choses, puis bon. Moi, je vais cesser, ça fait 1 heure. Mais. Bon, finalement, il y a certaines affaires, il aurait peut-être fallu que je remonte, que je relise. Parce que, voyons, t'as encore dit. Parce que c'est ça, là. Il y aurait peut-être des choses qu'on aurait pu regarder mieux, là. Mais c'est ça, là. Vous savez, je suis désorganisé, puis je prends pas de notes, puis bon. C'est un peu comme David Lévesque, mais j'ai jamais su les questions d'avance. Ça fait partie des règles avec lui. Ben, peu importe qui, il faut pas que je sache rien d'avance. Sinon, il se passe rien. Sinon, il se passe rien. Tout ce que je fais, ça va être basé sur le fait de ne pas réfléchir. Ce qu'il faut qu'il soit vu instantanément. Des fois, bon, ça marche plus ou moins. D'autres fois, très bien. Très bien. Mais bon, c'est pour ça, des fois, là. Juste voir en entrevue là, qu'il y a des calepins de notes, là, je me demande pourquoi. À moins que ce soit là pour faire de l'écriture automatique. Là. Mais ça dépend tout le temps les sujets. Ça dépend tout le temps les sujets. Mais si j'étais obligé de réfléchir pour parler, là, je ferais d'autres choses. Là, je ferais de la philosophie. Là, je pourrais dire ouais, que je suis philosophe, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sera jamais le cas non plus. Tu pues encore, toi, de la fesse. Moi, c'est pas fini, l'infection, tout à fait. Mais ça s'en va. Ça s'en va, on y va être guéri bientôt. Ouais. Bon. Bon, ben, bonne journée à tous. Merci pour les capsules et live. Ça m'aide dans mon quotidien depuis 2015. Ah oui. Merci et bonne journée. C'est très intéressant. Ben, merci à vous. Ce chat a l'air d'aller mieux. Ben oui, il va très bien. J'ai beaucoup aimé les 3 dernières capsules. Ah oui, ben oui. Bonne journée, ben bonne journée, Isia. Merci pour l'exposition de vos travaux. Ah oui, il faudrait que je le mette mieux, là. Il faudrait que je fasse numériser ça. Bonne journée à vous. Bon, ben une bonne journée à tous. Au revoir. Voyons.